Bernard de Montréal et l'avertissement. Partie 2 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel, avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Sinon, pour ce qui est de la vérification avec l'intellect, eh bien, à la différence de la vérification qui se produit avec le ressenti, c'est que le ressenti, ça permet une vérification multidimensionnelle et ça fait écho à la dimension psychique de l'individu, donc son contact avec son propre esprit. Alors que vérifier avec l'intellect, ça fait appel à la dimension intellectuelle de l'individu et ça, ça se fait à travers la recherche scientifique. Donc, à l'époque actuelle, il y a des recherches qui sont produites et ce qui est intéressant de l'intellect, bien, c'est que ça se développe, la connaissance intellectuelle, très rapidement avec les universités un peu partout dans le monde qui sont branchées entre elles avec le réseau Internet. Donc, ça permet une accélération du savoir. Par contre, l'intellect, ça demande de l'énergie, parce que ça demande un travail de l'ego avec de l'analyse, de la synthèse, alors que le ressenti, c'est instantané. L'intellect permet de travailler avec des informations à caractère matériel qui s'adressent au plan physique, alors que le ressenti, ça touche à la dimension métaphysique, ça touche aux dimensions parallèles, et donc ça touche à la multidimensionnalité de l'être, alors que l'intellect, ben, c'est plus limitatif, mais bien entendu, ça a son utilité, parce que si le ressenti n'est pas clair, mieux vaut travailler avec l'intellect, que de ne pas être en mesure de prendre une décision. Donc, ça devient à ce moment-là une source d'informations utiles. Et les deux peuvent être utilisés en synergie pour se valider entre elles, là. Donc, l'intellect, pour vous donner un exemple d'information qu'on peut vérifier, c'est que si, par exemple, dans un enregistrement, il est dit que la Terre, sur le plan physique, est plus petite que Saturne, bien, ça peut se vérifier avec des données scientifiques actuelles. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être identifiés. Plus qu'on avance, et plus qu'il y en a. Donc, tout récemment, lors de l'automne 2015, eh bien, officiellement, la NASA a déclaré que sur Mars, il y a de l'eau. Donc, ce qui veut dire, c'est que à partir de ce moment-là, comme c'est confirmé qu'il y a de l'eau, eh bien, l'information qui aurait pu être véhiculée dans un enregistrement à l'effet qu'il y a de l'eau sur Mars ne pouvait être qu'être évaluée avant cette date-là qu'au niveau du ressenti chez l'individu qui ne travaille pas dans la recherche fondamentale par la NASA. Donc, la personne qui attend la confirmation officielle de scientifiques, des professionnels de la recherche, eh bien, il y a l'information du ressenti, mais il n'y a pas l'information de l'autorité officielle sur Terre, qu'est la NASA par rapport à tout ce qui touche le domaine spatial pour l'époque actuelle. Donc, la personne n'a pas la confirmation des scientifiques. Par contre, si la personne canalise l'idée dans son mental qu'il y a de l'eau sur Mars après l'automne 2015, eh bien, elle peut être validée par la science actuelle qui a dévoilé, qui a rendu public qu'il y avait de l'eau sur Mars. Mais si la personne est vraiment branchée sur son ressenti, une personne qui aurait vécu sur la Terre au Moyen Âge, au lieu de 10 000 ans, aurait pu avoir un ressenti de cette information-là. Parce que la science de l'esprit qui est canalisée dans le ressenti de nature universelle, tandis que la science qui provient de l'intellect est progressive. Donc, autrement dit, avant l'automne 2015, on ne pouvait pas dire officiellement qu'il y avait de l'eau sur Mars. Là, on peut le faire depuis ce moment-là, puis de parler ça publiquement, là. Donc c'est devenu un fait. Donc c'est une construction progressive qui a fait qu'un jour, on a reconnu que la Terre était ronde et que par la suite, on reconnaît qu'il existe de plus en plus d'exoplanètes. Donc il y a un dévoilement progressif qui se fait. Par contre, si j'affirme qu'il existe de la vie sur d'autres planètes, et également dans des dimensions parallèles en périphérie de la Terre, bien là, c'est pas un fait scientifique qui est présentement vérifié par l'intellect, mais quelqu'un qui est sensible peut en avoir un certain ressenti, et si elle n'a pas de ressenti par rapport à ça, et qu'elle ne peut pas vérifier non plus l'information avec l'intellect, eh bien, à ce moment-là, c'est une information qui n'est pas pertinente pour elle. Et ça, c'est une dimension qui est importante d'aborder dans le sens que ce n'est pas toutes les informations abordées, présentées dans le cadre d'enregistrement qui sont nécessairement pertinentes pour tout le monde. Parce que la série d'enregistrement qui est produite pour Internet sur cette chaîne, eh bien, elle vise une quantité limitée de personnes. Et puis, l'une des plus belles preuves d'amour et de respect pour autrui, eh bien, c'est de le laisser libre de ne pas croire ce que l'on dit, étant donné que la conscience vibratoire qui permet de percevoir les choses par ressenti est en élaboration à l'époque actuelle. Donc, elle est en formation, donc elle est en noyautage, donc elle est de nature embryonnaire, ce qui veut dire que le ressenti permet de percevoir certaines choses, mais il est limité. Et éventuellement, ça va augmenter la perception à travers le ressenti au fil des prochains siècles et générations chez les habitants de la Terre qui sont appelés à vivre le phénomène de la fusion avec l'esprit. Et puis, c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement prudent quand on présente des informations sur Internet qui ont un trait à des sujets qui concernent la conscience, qui concernent l'invisible, des contacts aussi avec l'invisible, parce que beaucoup de gens vont vivre soit de l'anxiété, de l'angoisse, de la fascination à l'égard d'individus qui effectuent de la canalisation d'entités. Certains sont bien intentionnés, mais malgré eux, vont amener et véhiculer y inculquer des croyances qui peuvent être extrêmement néfastes chez des individus qui vont se mettre, ces gens-là, à se les imaginer comme étant des maîtres devant être mis sur des piédestals, alors que l'essence de la liberté et du respect envers autrui dans cette ère nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, celle de la fusion, eh bien, c'est de respecter suffisamment autrui pour lui dire de ne pas nous mettre sur un piédestal et de ne pas croire ce qu'on dit et de vérifier par soi-même si ça fait écho à votre réalité ou si vous pouvez le vérifier intellectuellement, mais sinon, vous laissez passer ce qu'il dit et vous n'adhérez pas à ça. Et ça, c'est cette approche-là qui devra éventuellement être véhiculée de plus en plus pour créer un équilibre face à la quantité d'informations phénoménales qui proviennent du cosmos, plus que les êtres humains qui ont accès à cette quantité fulgurante d'informations, doit être en mesure de développer son esprit critique rapidement. Parce que si on prend juste l'information sur le plan matériel, à travers les médias électroniques, les sites Internet, eh bien, ça demande déjà juste à ce niveau-là un esprit critique extrêmement grand face à cette quantité d'informations. Et cet esprit-là critique devrait être de plus en plus grand par rapport aux informations qui proviennent de l'invisible par des entités de toutes sortes. Hein. Il y a des entités bien intentionnées, moins bien intentionnées. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent quand il est question de sujets en relation avec l'invisible.